Section 37 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Zeina. La lecture, tome 7e, section 37. Le chemin de fer transcaspien, par Louise Figuier. L'entreprise audacieuse et colossale que la Russie a faite en établissant une voie ferrée dans l'Asie centrale était entièrement achevée au milieu de l'année 1888. La dernière section du chemin de fer transcaspien, de Tchardchoui à Samarcande, livrée à l'exploitation, a excité, on peut le dire, l'attention de l'Europe entière. L'exécution de cette immense entreprise fut confiée au général Annenkov, qui s'est merveilleusement acquitté de cette tâche difficile. Du point de départ à Ozum Ada, sur la mer Caspienne, jusqu'à Kizil Arvat, la première partie de la ligne fut construite en 1881-1882 par le bataillon russe des chemins de fer, formé après la guerre franco-allemande. Son prolongement, ayant été décidé en 1884, en créa un second bataillon de chemins de fer et les travaux furent poussés de Kizil Arvat à Tchardchoui, en passant par Ashabad et Merv. Cette ligne de 800 km fut exécutée en 18 mois. Les ouvriers soldats n'étaient employés qu'à la pose des traverses et des rails. Les travaux de terrassement et les maçonneries étaient exécutés par 30 000 ouvriers asiatiques et 400 ouvriers russes. Les premiers, qui se composaient surtout de Perses, de Turquinois et Boukhars, étaient divisés en détachements de 40 à 50 hommes. Chaque détachement était sous les ordres d'un soldat russe et les commandements supérieurs d'un certain nombre de détachements étaient exercés par un officier. Le deuxième bataillon chargé de la superstructure à partir de Kizil Arvat était logé dans un train-caserne qui a parcouru toute la ligne jusqu'à Samarcande. Ce train se composait de 34 à 45 voitures, la plupart à deux étages, comprenant outre les installations pour le logement et la nourriture des officiers et des hommes, un bureau avec tous les documents et instruments nécessaires, un hôpital avec pharmacie, des salles de bain, des magasins, des réservoirs d'eau, un atelier avec forge et un dépôt d'armes et d'outils. Pour le travail, le bataillon était divisé en deux groupes de 500 hommes, chaque groupe restant occupé pendant 6 heures. Au matin, on amenait immédiatement derrière le train caserne un train de 45 wagons, chargé de traverses, de rails et d'éclisses, pour un tronçon de voie de 2 km à 2,5 km. Dès que ce train était déchargé sur les deux côtés de la voie, il retournait au dépôt et le train caserne reculait en arrière du matériel mis à terre. Les traverses et les rails étaient transportés à l'extrémité de la voie et mis immédiatement en place. Ce travail, dans lequel les traverses étaient simplement posées sur le sable, puis bourrées avec du gravier, marchait rapidement et vers midi, la voie se trouvait allongée de 2 km à 2,5 km. On faisait avancer alors le train caserne jusqu'à l'extrémité, l'on amenait un nouveau train chargé de matériel pour une même longueur de voie et le second groupe du bataillon se mettait à l'ouvrage. Vers le soir, 4 km à 4,5 km ajoutés à la voie étaient le résultat du travail de la journée. La traversée des sables mouvants des steppes et des déserts a rencontré d'assez sérieuses difficultés. On les a surmontées soit en fixant le sable par un arrosage d'eau de mer et d'une dissolution d'argile, soit en y introduisant des fascines en branches lorsque le transport de l'eau de mer et de l'argile devenait trop coûteux. En de nombreux points, il a fallu consolider les talus par des plantes qui croissent dans le sable et par des ensemencements d'avoine sauvage. Des clôtures en lattice ont été établies le long de la voie pour la protéger contre l'ensablement et de vastes pépinières ont été formées en vue du boisement des environs de la ligne. On a dû également pourvoir au manque d'eau dans le désert et au défaut de potabilité de celle qu'on pouvait obtenir dans d'autres parties. À Ozum Ada et Mikhailovsk, on boit l'eau de mer distillée à l'aide de machines à vapeur. En quelques points de la ligne, on a pu creuser des puits d'après la méthode abyssinienne ou amener l'eau des fleuves en canaux découverts. Tandis qu'en d'autres points, il a fallu construire des réservoirs qu'on remplissait au moyen de wagons-citernes amenés par des trains spéciaux. À Charleshui, les travaux furent retardés par la traversée de l'amont d'Arja, l'Oxus des Anciens, large de 2 km. Dans le premier projet, on avait essayé un bac pour le passage du train d'une rive à l'autre. Mais les variations incessantes du niveau de l'eau et d'autres raisons ont fait abandonner ce système et l'on a construit, d'après les plans de l'ingénieur Balinski, un pont en bois à poutres droites appuyé sur des palets en charpon. Ce pont, d'une longueur totale de 2071 mètres, est établi sur les quatre bras en lesquels le fleuve se divise près de Charleshui. La partie qui franchit le bras principal mesure 1708 mètres. On y a aménagé pour le passage des bateaux une ouverture sur laquelle sont placées des poutres du système Howe. Commencé en septembre 1887, le pont était achevé le 18 janvier 1888. Et comme on continuait en même temps la construction de la ligne allant de Lamou à Samarcande, ce dernier tronçon long de 400 km a pu être livré à l'exploitation quelques mois après. Outre Lamou d'Arja, la ligne franchit sur des ponts en pierre trois autres cours d'eau qui devraient être des afflux naturels de ce fleuve, mais qui tarissent avant de l'atteindre. Ce sont le Hérirud, qui vient mouiller les sables après avoir arrosé les jardins de Sarasque, le Mourgab, qui se perd dans les steppes au-delà de l'oasis de Mervette, le Zaravkan, qui fertilise par ses eaux plus de 458 000 hectares dans la plaine de Samarcande. Les nombreux canaux d'irrigation sont franchis au moyen de poutres en tôle, reposant sur des culées en maçonnerie. On compte en moyenne 3 de ces ponts par kilomètre de voie. Les routes faisant complètement défaut dans toute cette région, on ne rencontre aucun passage à niveau avec mécanisme de fermeture. La longueur totale de la ligne est de 1450 km. Elle est située à 40 degrés de latitude, celle de Palerme, et la différence d'heure entre les deux points extrêmes est de 1h10 minutes. Elle parcourt donc la 20e partie du cercle terrestre à cette latitude. Les frais d'établissement n'ont pas dépassé 75 000 francs par kilomètre. Ce prix, assez minime, résulte à la fois de la faible dépense occasionnée par les emprises de terrain, de l'emploi du bataillon de chemin de fer et du salaire excessivement modique des ouvriers indigènes. Le long de la ligne, le sol monte doucement de l'ouest à l'est, de sorte que les plus fortes rampes ont pu être ramenées à 6% entre la mer Caspienne et l'Amou d'Arja, et à 12% entre ce fleuve et Samarcande. Les courbes ont toutes un très grand rayon. La voie a la largeur normale des chemins de fer russes. Les emprises sont prévues pour deux voies, mais la plateforme n'est provisoirement établie que pour une seule. Les traverses d'appui des rails, comme tous les bois de construction, viennent des forêts qui avoisinent les afflux du Volga. En quelques points, les traverses sont remplacées par des dés en béton asphalté qui résistent très bien. Les bâtiments des stations sont fort simples et à un seul étage surmonté d'un toit plat recouvert d'asphalte. Ils sont construits en briques cuites ou bien en briques simplement séchées au soleil. Les casernes qui servent de logement aux cantonniers et aux ouvriers, distantes entre elles de 13 km, sont surmontées de tours du haut desquelles on peut, par un temps clair, surveiller toute la partie de la ligne comprise entre deux maisons de garde. Le service de la voie est organisé de manière qu'un poste de garde est chargé de la moitié de la distance qui, de chaque côté de la maison de garde, le sépare du poste voisin. Il est fait dans chaque direction par deux cantonniers qui disposent d'un cheval sur lequel ils montent l'un au départ et l'autre au retour. Les chefs de gare sont des officiers de bataillon de chemin de fer ou des officiers retraités de l'armée. Les cantonniers, les conducteurs des trains, appartiennent ou ont appartenu au sudite bataillon. Le combustible pour les locomotives et pour les usages domestiques se compose uniquement de résidus de naphte venant de la mer Caspienne. Sur toute la ligne, on compte 61 stations, distantes entre elles de 24 km. Les changements de voies, les approvisionnements d'eau et de combustible y sont prévus pour 12 trains par jour dans chaque direction et on pourrait en augmenter le nombre en ajoutant aux trains des réservoirs d'eau et de pétrole. En août 1888, le service hebdomadaire ne comptait que 3 trains dans chaque direction. La vitesse de parcours est de 40 à 50 km à l'heure pour les trains de voyageurs. Sur quelques sections, on a atteint 70 km et sur d'autres, moins bien assises, la vitesse est limitée à 25 et même 15 km. Les trains ont des voitures-restaurants et quelques stations possèdent des hôtels. Nous n'avons pas besoin de faire remarquer toute l'importance que le chemin de fer transcaspien doit acquérir dans les circonstances présentes, c'est-à-dire dans le conflit qui vient de s'élever entre l'Angleterre et la Russie, à propos de l'occupation de quelques villes de la Perse par les troupes britanniques. Aujourd'hui, les chemins de fer, comme l'argent, sont l'âme de la guerre. Fin de la section 37.